C'est dire. Histoire et doctrine des Rose-Croix. Lecture par la chaîne et YouTube. Documents rares et inédits. À Robert de Bille, qui connaît et qui comprend l'âme musulmane où resplendirent autrefois, où s'abritent encore aujourd'hui des témoins de l'antique cohorte rosicrucienne. En signe de très reconnaissante sympathie. C'est dire. Préface. On ne trouve nulle part d'études complètes sur la fraternité mystérieuse de la Rose-Croix. Ceux qui en parlent au XVIIe siècle le font dans un style trop allégorique pour être compréhensible. Au XVIIIe siècle, on méconnaît ses adeptes en abusant du prestige de leur légende. Au XIXe siècle, des érudits, comme Bullin, ou des occultistes, comme les écrivains anglais récents, n'ont su ou voulu présenter qu'un côté de la question. Semler les a étudiés avec l'intérêt d'un sociologue et d'un curieux de la nature. Il était bon chrétien et tenait l'alchimie pour une science respectable et pleine de découvertes utiles. Bull ne s'est intéressé aux Rose-Croix qu'en simple érudit. Il pense que francs-maçons et Rose-Croix ne faisaient qu'un à l'origine, et qu'ils se sont disjoints pour propager, quant au premier, les idées philosophiques, la philanthropie, la liberté religieuse, le cosmopolitisme, quant au second, pour continuer les rêveries cabalistiques, alchimiques et magiques de leurs prédécesseurs. Bien que professant une doctrine interprétative du christianisme beaucoup plus pure et plus haute que celle des prêtres, les Rose-Croix, à l'existence desquels le Moyen-Âge et la Renaissance crurent généralement, étaient tenus par tout le monde comme magiciens et sorciers d'une grande puissance. Il faut bien constater que la science officielle tout entière professe, sur les doctrines des sociétés secrètes, des opinions aussi remarquables par l'ignorance que par l'animosité qu'elles décèlent. L'Encyclopédia Britannica accorde aux Rose-Croix, pour tout mérite, celui d'exprimer les idées les plus incompréhensibles dans le style le plus obscur et le plus étrange. Pour rester dans le vraisemblable, il faut reconnaître à ces illuminés plusieurs caractères, celui de gardien de la tradition ésotérique, celui d'interprète de la lumière des évangiles, celui de médecin des corps, des âmes et des sociétés, celui enfin des